Que devenir ? Demanda le baron, car je ne veux rester chez toi que le temps de prendre un parti. Voyons, veux-tu que je te case à mon idée ? Écoute, vieux chauffeur, il te faut des femmes, ça console de tout. Écoute-moi bien. Au bas de la Courtille, rue Saint-Maur du Temple, je connais une pauvre famille qui possède un trésor, une petite fille, plus jolie que je ne l'étais à 16 ans. Ah, ton œil flambe déjà. Ça travaille 16 heures par jour à broder des étoffes précieuses pour les marchands de soieries, et ça gagne 16 sous par jour, 1 sou par heure, une misère. Et ça mange comme les Irlandais des pommes de terre, mais frites dans la graisse de rat, du pain 5 fois la semaine, ça boit de l'eau de l'Ourcq au tuyau de la ville, parce que l'eau de la Seine est trop chère, et ça ne peut pas avoir d'établissement à son compte, faute de 6 ou 7 000 francs. Ça ferait les 100 horreurs pour avoir 7 ou 8 000 francs. Ta famille et ta femme t'embêtent, n'est-ce pas? D'ailleurs, on ne peut pas se voir rien là où l'on était Dieu. Un père sans argent et sans honneur, ça s'empaille et ça se met derrière un vitrage. Le baron ne put s'empêcher de sourire à ces atroces plaisanteries.